Je vous remercie donc pour ces trois interventions. Je ne vais pas faire de synthèse, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'il y avait trois dimensions du combat féminin à voir. Le combat sur le statut personnel, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu au Maroc, qui doit se faire dans un contexte également d'émancipation économique. Le patriarcat masculin était encore très dominant dans le domaine économique. Et bien sûr, voir qu'il y a également une ouverture à la citoyenneté et à la participation citoyenne, et on l'a vu au niveau des scrutins électoraux. Donc c'est les trois éléments, en fait, c'est du personnel et participation économique et donc politique. Donc nous allons prendre des questions maintenant. Je voudrais juste réagir, parce que le débat c'est pour nous aussi. Moi aussi j'aimerais. Non mais la salle n'a pas parlé. On commence par vous. Si le public, très très rapidement, je crois que c'est des questions qui vont revenir. Je reviens sur le féminisme islamique. Pour les clarifications, pour Sophie et Chana, parce que je trouve que c'est très important de clarifier. Alors, la première des choses, moi aussi j'ai une confusion extraordinaire, donc on me traite de féministe islamique. Hein, c'est devenu un titre de présentation qui n'est jamais revendiqué. Hein, jamais. Dans certains articles, j'essaie d'exprimer, d'expliquer ce que c'est, mais que je n'ai jamais dit. Bon. Alors, deuxièmement, on m'a même mis dans un magazine très connu au Maroc, le féminisme sera religieux ou ne sera pas. C'est une aberration. Je n'ai jamais dit ça. Donc, mais bon, bref, tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a une confusion énorme. Alors, féminisme islamique, féminisme musulman, je préfère féminisme musulman. Oui, le féminisme islamique, le terme islamique est miné. Déjà que féminisme, c'est miné dans nos sociétés. Alors, à rajouter islamique dans le monde global, c'est franchement montrer que c'est un oxymore. C'est une vraiment contradiction. Deuxièmement, je voulais vous préciser, qui c'est qui a inventé le féminisme islamique? C'est pas les féministes, personne. C'est les médias. Non, les labos. Oui, les labos de recherche. Et je citerai un nom, Margot Badran, qui fut la première académicienne états-unienne qui, en Égypte, a estimé que, sur le terrain, des femmes qui sont en train de la laïque, etc., ou celles à partir du référentiel religieux, elle a décidé de théoriser et de dire que ce sont des féministes. Donc, voilà. Donc, je citerai Zibamir Husseini, qui dit quelque chose de très intéressant, iranienne, et qui dit quelque chose de très intéressant par rapport au féminisme islamique. Elle dit c'est l'enfant illégitime de l'islam politique. Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que l'islam politique, en créant ses argumentaires, les féministes ou les femmes qui sont dans ces buts-là devaient piocher dans l'argumentaire théologique aussi religieux pour contrecarrer ça. Donc ils se sont retrouvés avec quelque chose qui s'est retourné contre l'islam politique. La dernière des choses, c'est qu'il faut faire quand même une différence entre modèle et principe. Il y a des féminismes musulmans, hein, au pluriel. Et c'est des modèles différents, comme tous les féminismes au monde. Moi, quand on me dit féminisme occidental, j'hallucine. Oui. De quel féminisme occidental on parle? On est en France, citez-moi un féminisme français. Il y a le libéral, le marxiste, etc. Je trouve qu'ils sont, il y a des courants féministes par rapport à ça. Donc des courants avec différents modèles. Donc les principes, je pense qu'ils sont universels. Les principes sont universels. On défend tous, enfin, celles qui se dénominent féministes ou pas, donc liberté, égalité, émancipation, etc. Mais les modèles et les stratégies sont situés dans des contextes différents. En Iran, ça ne va pas être la même chose qu'au Maroc. Tout à fait. Ça ne va pas être la même chose même en Tunisie, en Algérie à côté ou à Kuala Lumpur. Donc, bon, on a des modèles complètement différents. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Excusez-moi si tu veux. Moi, seulement un mot. Puisque moi, je pense, je ne suis pas... Deux minutes seulement, une minute. Même 30 secondes. C'est que le féminisme, moi, ma proposition dès le début, c'était ça, Asma. C'est qu'on dit féminisme iranien, français, américain. On n'a pas besoin d'amener, puisque la problématique, c'est pas musulman, islamique, etc. C'est que les musulmans peuvent être féministes, comme les catholiques aussi peuvent l'être. Exactement. Mais quand vous dites, vous ajoutez un adjectif, qui fait de la religion, que ce soit musulman, islamique et tout, on revient dans cette histoire que depuis hier, que Abbas Makram a dit, moi j'ai approfondi par rapport à l'histoire iranienne, j'ai écrit aussi sur mon site, vous pouvez trouver les articles beaucoup plus synthétiques. Vous savez, le problème c'est qu'on doit sortir de cette chape de plomb. Il faut revendiquer, je suis tout à fait d'accord avec vous, parlons, disons, le féminisme marocain pluriel en plus. Il y a plusieurs types de féminisme marocain qui pourraient avoir telle référence ou telle référence. Mais sortons, pour l'amour de Dieu, entre parenthèses, puisque je pense que de toute façon, faire de la religion une idéologie, ça aussi, ça amène. Aujourd'hui en Iran, les darwis sont en prison. Les soufis sont en prison, puisque ce n'est pas la bonne interprétation. Le problème, c'est ça. Quand on rentre dans ce domaine, on va aller encore une fois affiner, on arrive au fait que tout le monde est dangereux à la fin. Même être musulman devient dangereux. Donc, pour ne pas faire de la religion une idéologie, sortons de ces nominations et disons le féminisme par rapport à particularités locales, jordanien, iranien, voilà. Mais pourquoi on se complique la tâche? Encore une fois, excusez-moi, on doit, chez nous, on dit, on doit manger comme ça et pas comme ça. Chez nous, on dit aux indes chames. Voilà. Sophie, vous voulez réagir aussi sur le livre? Je veux juste relever deux choses. En plus, qui me paraissent importantes. J'ai promis ce livre à un ami ici, donc ça va. Il a pris de l'eau, c'est pas grave. La première, c'est moi Charla qui... C'est ma faute à moi. Je m'excuse, pardon. La première chose, c'est Charla qui l'a mentionné, mais je voudrais insister là-dessus, c'est que la question des femmes, et j'avais fait un petit travail là-dessus, n'a jamais été questionnée par la recherche. Si vous prenez les bouquins des plus grands spécialistes de l'islam politique en France et dans le monde anglo-saxon, je ne citerai pas le nom, tout le monde les connaît, il y a eu des bouquins absolument... très nombreux, extrêmement épais, et moi j'avais fait un petit travail là-dessus. Alors que dans les discours des partis islamistes, 90% de la rhétorique est consacrée aux femmes et au rapport entre les deux sexes, à peu près. Vous prenez tous les manifestes de l'islam politique, etc. C'est une obsession absolue sur la question des femmes. Elle est omniprésente. Vous dites 90% de la production, elle est sur le sexe, mais sur les femmes. Vous prenez les travaux extrêmement sérieux, dont certains sont absolument excellents, des islamologues. Allez, vous avez entre 3 et 10 pages sur les femmes par bouquin. Tout à fait. Max. Sauf depuis 3-4 ans, parce que c'est un peu plus à la mode. Voilà. Mais ou sinon, rien. Il n'y a rien sur les femmes, alors que c'est 90% de la rhétorique. On parle de tout sauf des femmes. Ça, c'est chez les chercheurs occidentaux. Cherchez le problème. Tout de même, quand même, il y en a un. Oui. Bon. Deuxième chose, et qui est une chose qui pose réellement question pour le monde arabo-musulman. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps. Si on prend, je dis arabo-musulman parce que, disons, dans le grand monde arabo-turco-persan, il y a 3 expériences de modernisation en matière de femmes, pas 4. Mustapha Kemal, les Pahlavis et Bourguiba. Il n'y en a pas d'autres. Dans la première moitié, disons, du XXe siècle, ces 3 expériences sont des expériences de modernisation autoritaire. Il n'y a aucune expérience de modernisation démocratique dans cette partie du monde. Alors, je le pose de façon extrêmement abrupte, il faut absolument... Moi, je sais que dans mon travail sur l'histoire... Je l'ai posé différemment. Est-ce que les États sont en avance sur les sociétés? Quel est le rapport entre États et sociétés? Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur la nature du rapport entre États et sociétés, sur la question de l'extériorité de l'État par rapport à la société, je crois que là, c'est un des nœuds sur lesquels on n'a pas suffisamment travaillé. Voilà, c'est tout. On va prendre des questions. Alors, j'ai vu donc Nessim et ensuite Reda. D'accord. Merci. Oui, j'ai bien noté que l'expression féminisme islamique est un oxymore, etc. Pour autant, est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la position des femmes dans un parti comme Enarta, par exemple, ou dans des partis encore à la droite, si je vous le mets. Quelle est la position des femmes qui parlent en tant que femmes dans des, et ne se reconnaissent pas dans le féminisme, qu'ils soient musulmans, laïcs, etc. Et qui en plus sont des types plus ou moins majoritaires. L'explication par l'aliénation, l'explication marxiste par l'aliénation, je l'ai bien noté, me paraît quand même pas complètement suffisante. Peut-être qu'on prend d'autres questions. On prend d'autres questions peut-être. Oui, oui. Moi, j'ai pas de questions, c'est juste un rapide commentaire. Jusqu'à présent, je vois que le colloque tend à reproduire les prochains rituels. J'entends rien, excusez-moi, mais j'entends rien. Juste pour préciser que ce qu'on voudrait faire avancer, c'est ne pas reproduire ce prisme entre chaque fois le côté laïque et le côté des religions, à travers même les expériences Tunisie, Iran, etc. Vous mettez des S sur les femmes, sur les féminismes, etc. Il y a un S qui manque beaucoup, il faut le préciser, c'est sur les sécularismes ou les processus de sécularisation. D'un pays à l'autre, vous avez différentes expressions. Vous avez mentionné la question de l'État. Les expériences étatiques de sécularisation d'un pays à l'autre en Europe varient. Et c'est lié aussi à des traditions, à une culture, idéologie, etc. Donc, la laïcité française, c'est quelque chose de particulier, ça n'a rien à voir avec d'autres expressions comme l'expérience turque, ou bien la sécularisation du Parti communiste chinois, ou bien de l'Union soviétique. Et donc, ça c'est aussi important, et dans ce travail, ce que nous essayons de faire, c'est dans l'après-midi, il y aura un témoignage d'une féministe indienne où vous verrez que, en fait, cette personne se revendique comme pleinement musulmane et séculaire. Je ne veux pas traduire le mot séculaire. Tout à fait. Et donc, elle ne se range pas dans les catégories laïques qui sont présentées ici, ni dans celles du féminisme islamique. Et pourtant, elle représente une association d'une centaine de milliers de femmes musulmanes indiennes. Alors, et donc, on avait encore une question de monsieur, et après, on va prendre. Voilà. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Je me suis intéressé vraiment, c'est très intéressant. Et d'abord, j'ai une petite remarque pour cette présentation. D'abord, j'ai trouvé qu'il y a un important vraiment de la religion qui joue un rôle majeur en tant qu'instrument pour le mouvement féministe à travers cette présentation. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec Madame Asma qui propose une nouvelle approche sur la lecture, sur les sources, approche historique, approche finalité et approche contextualisée. Et aussi, si j'ai bien compris, en fait, il y a le fait que la société n'est pas prête pour cette nouvelle lecture, c'est-à-dire qu'on a besoin d'éduquer la société, etc. Je suis aussi d'accord avec Madame Shafik sur c'est très intéressant ton expression comme la voix comme miroir magique de la société et la politique, c'est tout à fait intéressant. Et ma question pour Madame Asma, c'est comment on peut amplifier le mouvement de relecture ou relire la source de l'islam, à savoir le Coran, alors qu'on ne peut pas nier que le fait que le rôle de femme dans la prédication est très mineur par rapport aux hommes. Ma deuxième question pour Madame Chavik et pour Madame Bessy. Est-ce que pour défendre le droit de femme, on a besoin vraiment de la liberté de politique? C'est-à-dire, alors que, en fait, dans l'ouverture de politique, c'est-à-dire, il y a la liberté pour le mouvement islamiste, pour le mouvement féministe, il y a une possibilité, en fait, que le discours islamiste qui gagne entre nous. Merci beaucoup. Merci. Peut-être ça va là et puis on reprend des questions. On reprend les questions après, ouais. Vas-y. Non, on va reprendre des questions après. Ouais. Oui, on reprend. Je réponds très vite. Oui. J'ai pas de micro. Bah, écoutez, je ne veux pas faire d'une autre bêtise. Alors, Vous avez parlé de Nahda, je ne parlerai pas de Nahda, parce que, puisque nous, le gouvernement au Maroc est un gouvernement islamiste, et le parti qu'on a, c'est, Nahda, c'est pardon, justice et développement. Pardon. Alors, les femmes de ce mouvement-là n'ont jamais revendiqué le terme féminisme. Bien au contraire, elles le récusent, elles le refusent. Et ça, c'est pas spécifique aux islamistes, on va dire. Franchement, moi, je vois même les féministes aujourd'hui, même en Occident, les jeunes refuser donc tout ce concept-là, etc. Donc, ce sont des femmes. Il ne faut pas oublier que justement, au sein, de, comme le disait très bien, même au sein de ces partis-là, il y a des mouvances. Alors, vous avez de la mouvance la plus libérale, c'est-à-dire progressiste par rapport à certaines lectures, jusqu'à celle complètement fermée et qui refuse toute réforme. Mais le problème, c'est que ça se passe de l'intérieur et ils n'ont pas le courage de leurs idées. C'est-à-dire que Al-Murajaat, comme on appelle ça, ne sortent jamais à l'extérieur. Donc, ça reste très fermé. Donc, juste pour vous dire que c'est, par exemple, un mouvement qui a été contre la réforme du code de la famille. On le sait tous, en 2000, c'est une grande deux grandes manifestations au Maroc. Une à Casablanca contre la réforme, parce que pour eux, c'est touché à la sacralité de l'islam. Et puis, celle de Rabat, où les progressistes soi-disant, enfin, il y avait beaucoup de femmes aussi musulmanes, complètement musulmanes et d'hommes musulmans, mais qui voulaient une réforme de. Donc je crois qu'il faut relativiser, moi je suis complètement d'accord avec pour nuancer tout ça, et en tout cas la posture, il faut toujours, c'est-à-dire exprimer la posture la position à partir de laquelle on s'exprime. Écoutez, moi je me considère comme une féministe, enfin féministe parce que je lutte pour le droit des femmes à partir d'un certain référentiel, je ne m'enferme pas dans ce référentiel, mais il est nécessaire aujourd'hui de l'utiliser, de le déconstruire. Et cette posture, elle est celle d'une croyante, d'une femme pratiquante, croyante, mais qui revendique le droit de dénoncer, de critiquer sa propre tradition, et tout en revendiquant certaines laïcités, celle qui va protéger justement ma spiritualité de la politique. Donc cette séparation, je la revendique. Donc c'est à nuancer, et c'est très important de le dire aussi. La deuxième question, c'était pour la nouvelle. C'est ça, c'était pour. La nouvelle approche, c'est ça hein? Oui, alors, oui, cette nouvelle approche est minoritaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un réseau qui s'appelle par exemple Moussawa, qui est très méconnu, qui est basé à Kuala Lumpur, où il y a toutes les femmes, enfin, toutes les femmes. Il y a des représentations qui vont du Maroc jusqu'en Égypte et bien sûr avec toute l'Asie, etc. Donc c'est des femmes qui sont des femmes. On a des tendances de la femme athée agnostique jusqu'à la femme la plus pieuse pratiquante, mais qui ont ce socle commun, cette matrice commune. Et justement, avec Chanel, je voulais vous dire, c'est pas qu'on s'enferme de ça, mais il y a une matrice, parce que même si on veut parler de féminisme marocain, oui, très bien, il y a un contexte différent de celui de Kuala Lumpur ou d'Iran, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une matrice commune misogyne qui est la même dans l'interprétation des textes. Donc voilà, c'est très difficile aussi de donner, de porter, de mettre un titre sur ça, mais cette matrice commune, elle nous unit. Et elle nous unit là dans ce travail-là. Mais malheureusement, c'est-à-dire cette mouvance, par exemple Moussawa et d'autres, sont complètement minoritaires et je dirais ils sont invisibilisés de force. Et là, je rejoins Sophie quand elle dit que même chez les islamologues, et je dirais plus, et ça je l'ai dit dernièrement à l'UNESCO, même le réformiste musulman aujourd'hui ne cite jamais ces femmes. Alors qu'elles font un travail colossal, je crois que Chanel le connaît, depuis les années 80. Travail colossal. Personne n'en parle. Mais le bouquin de Phil Alliance, allez, le gros bouquin par exemple, qui est un bouquin fort intéressant par ailleurs, et qui cite les nouvelles lectures de l'islam, il n'y a pas une femme dans son livre. Rachid Benzine, le nouveau penseur de l'islam, il n'y a pas une femme. Rachid Benzine. Alors que c'est vraiment désolant de le dire, et moi je le dis, et à l'UNESCO j'ai pris une feuille avec 20 noms de femmes, et je les ai citées solennellement juste par militantisme intellectuel. Alors, pour les morchidettes, moi je veux dire, franchement, au Maroc, on parle de morchidettes, moi je suis pour la symbolique, elles sont présentes dans les mosquées, c'est extraordinaire. C'est très bien pour la symbolique, la présence d'une femme, pour certaines femmes qui vont dans les mosquées. Mais qu'est-ce qu'elles transmettent? être français ne peut pas patriarcat. Donc franchement, ça ne nous aide pas. Merci. Vas-y, c'est toi, Pab. Comment moi, je voudrais peut-être répondre à Reda Montréal sur... Bien sûr qu'il y a des sécularismes, des laïcités, mais il y a un principe commun. Ah, ces sécularismes et ces laïcités, qu'il faut quand même citer. Si je prends la loi française, la loi américaine, constitution, jamais la religion n'est juridiquement une condition au pouvoir. On ne dit pas le président de la République française doit être chrétien, ou le président des États-Unis, etc. Dans toutes les constitutions arabes, la religion est une condition au pouvoir. C'est-à-dire que le chef d'État doit être musulman. Tout de même. Comment ? Sans religion, pardon. Il doit être chrétien. Il y a une. Il y a quand même la religion est un commandement au pouvoir. La religion n'est pas la même. Mais c'est la religion n'est pas la même. Mais c'est quand même un commandement au pouvoir. Donc, certes, le sécularisme britannique n'est pas le même que la loi de 1905. Nous en convenons. Mais il y a des principes qui font que c'est des États où la religion n'interfère pas dans l'espace du politique. Aux ils font quand même pas. Je regrette. Aux États-Unis, on ne dit pas le président doit être chrétien. Le président des États-Unis. Bon, vous permettez que je termine. Et après, on dit effectivement, mais on peut refuser de jurer sur la Bible. Et je vous signale qu'il y a deux députés américains, c'est la première fois au Congrès, qui ont juré sur le Coran. Voilà. Donc, on jure sur le livre qu'on veut. Et on peut jurer sur aucun livre. C'est quand même pas inintéressant. Donc, je pense que ça, c'est très important. Très important. C'est-à-dire que, dans le pays le plus avancé, qui est la Tunisie, eh bien, le chef de l'État doit être musulman. C'est un des articles qui a été repris par la Constitution de 2014. De la Constitution de 1950. Et donc, il n'y a pas un seul État arabe, sauf le Liban. Bon, ça, c'est une chose... Donc, quand même, dans les sécularismes et la laïcité, il n'y a pas cette injonction à l'appartenance religieuse. Il ne faut quand même pas l'oublier. Pour les femmes dans Narda, les femmes dans Narda, elles ont un rôle qui est loin d'être négligeable. Alors, et ce rôle est extrêmement ambivalent. C'est-à-dire qu'en même temps, le fait que dans le parti islamiste, il y ait des femmes politiques et des femmes politiques qui occupent des positions d'autorité, par exemple dans l'Assemblée constituante, Mahrzeh Al-Abidi, Al-Nahda a été vice-présidente de l'Assemblée constituante. C'est quand même pas rien. Bon, elle a lutté de toutes ses forces contre l'inscription de l'égalité des sexes dans la Constitution. Elle a fait ce qu'elle a pu pour l'empêcher, elle n'a pas pu. Bon, mais elle était quand même vice-présidente de l'Assemblée constituante. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, la maire de Tunis, Saad Abdelrahim, est une personnalité de Narda. Et donc, ce parti est dans une contradiction fondamentale. C'est qu'à la fois, les femmes de Narda véhiculent l'idéologie de leur parti, incontestablement. Donc, une idéologie comme partout profondément réactionnaire. Mais en même temps, il y a des lieux où elles hésitent. Par exemple, il y a eu en 2017. En Tunisie, le vote d'une loi organique contre les violences faites aux femmes, une loi 4 contre les violences faites aux femmes. Au début, les islamistes étaient totalement contre en disant que c'était une loi qui allait promouvoir le changement de sexe, l'homosexualité, ça c'était contre les violences faites aux femmes. Hein. Bon. Et une partie des femmes députées de Narda a fini par voter la loi contre les violences faites aux femmes. Donc, si vous voulez... Il y a à la fois, les femmes sont des véhicules de la parole réactionnaire du parti de Narda, mais en même temps, le fait qu'elles appartiennent à un parti politique, quel qu'il soit, et qu'elles soient importantes, élargit leur accès à la sphère publique et à la sphère politique. Alors qu'est-ce que ça donnera ? Donc, on est aussi devant ce type de contradiction qui n'est pas inintéressant d'étudier. Ensuite, droit des femmes et liberté politique. Bon, sur le reste, je crois, personnellement, puisque je donnais l'exemple des trois processus de modernisation autoritaire dans le monde arabo-persano-turc, je crois que justement, si l'on veut que les droits soient appropriés, intériorisés par une société, ce sera plus long, mais ils doivent passer par l'expérience démocratique. Voilà, moi, je vais être très, très... Tout d'abord pour les femmes. Bien sûr, les femmes, par exemple, les femmes islamistes en Iran, c'est intéressant, on n'a pas eu le temps de regarder leur évolution pendant ces 40 ans. Donc au début, c'était l'histoire, puisque vous savez, il existe aussi des femmes islamistes révolutionnaires. C'est pas tous les gens, puisque c'est pas tous les personnes qui sont... Il y a eu même les personnes, y compris Zahra Rahnavard, qui est actuellement presque en prison, qui étaient, voilà, qui ont créé des théorisations de féminisme, sans le dire islamique, mais c'était vraiment islamique. Ça veut dire, en fait, de dire que l'équité contre l'égalité. C'est que, voilà, c'est ce que défendent les États au sein des conférences internationales. Tous les courants fondamentalistes, plus les États autoritaires, défendent ça. Équité contre l'égalité. Ça veut dire que les femmes et les hommes ne sont pas en égalité, c'est contre notre culture, entre guillemets, mais ils peuvent chacun selon les droits, selon leurs devoirs, etc. Donc, cette histoire ou cette absurdité a été quand même défendue par des femmes intellectuelles qui avaient fait des études dans les universités occidentales. Et effectivement, les concepts après aussi, comme le féminisme islamique et tout, ont été créés dans les labos de l'université occidentale, pas sur le terrain dans les pays comme dit Asma. Tout à fait, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus. Mais vous savez, ça, c'est après ces femmes-là, il y a eu une expérience et il y a eu une, quand même des femmes qui ont quitté ces rangs. Mais il existe même aujourd'hui dans le Parlement en Iran des députés. Mais leur position est tout à fait comme... Vous pouvez être femme islamiste députée et, par exemple, ils ont défendu qu'on doit exécuter les prostituées pour en finir avec la prostitution. Des choses comme ça, ça veut dire être femme. Mais Marine Le Pen est une femme. Ce qui me dérange toujours, c'est que quand on arrive chez ces pays-là, on prend des autres critères. Ici, ces choses-là n'étonnent pas. Margaret Thatcher étant une femme, les autres étant une femme, c'est-à-dire ils peuvent avoir... Et Mouna a dit dans l'histoire de femmes qu'elle a, et c'était une exposée remarquable sur toutes les femmes qui ont existé. Mais le problème, c'est pourquoi nous sommes devenus une curiosité? Pourquoi pas vous? Moi, je parle de manière générale. Quand j'étais arrivée en France, on me disait, est-ce que tout est dévoilé ici? Les gens pensaient que moi, j'ai... Alors, ma mère ne portait pas le voile. Et ma grand-mère le portait. Mais c'était pas du tout le voile uniforme qu'il voulait. Mais vous savez, c'est ça aussi. Nous sommes devenus une curiosité puisqu'il n'y a pas les mêmes critères. On n'applique pas les mêmes critères en analysant notre société que les autres. Donc oui, les femmes islamistes comme militants d'un mouvement néoconservateur existent, elles sont actives, elles peuvent être dans les instances internationales aujourd'hui même pour défendre la République islamique, et nous sommes dans... Il existe aussi des femmes qui sont dans l'interprète comme Asma, qui se disent même féministes islamiques, mais on est dans un débat, moi je leur dis ce que je pense, mais je ne revendique pas le monopole de la vérité, on discute. Mais avec les femmes qui sont... dans la défense de, par exemple, de la République islamique, c'est un autre débat. C'est quand même une variété de situations qui est très, très, très importante. Pour la liberté, je dis seulement, la liberté, vous savez, c'est quelque chose, c'est comme l'air, comme dirait un philosophe ou un littéraire, je ne me rappelle plus. C'est quand vous ne l'avez pas que vous comprenez la valeur. Vous étouffez. Et donc, je pense que c'est ça, la liberté. La liberté, c'est pas, bien sûr que les islamistes peuvent prospérer ou les fascistes peuvent prospérer, mais rien, ça veut dire, en fait, ça crée un rapport de force et ça crée un débat dont on a été privé. Et c'est pourquoi Khomeini, les livres de Khomeini ont été interdits. Personne n'a pu les lire et voir le délire qui était dedans. Et ça, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'il y ait des islamistes, qu'on puisse avoir un débat face à face. Bon. Je vous remercie. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions après le repas, au débat terminal de la journée. Ce sera plus simple. On peut en parler encore des heures, donc, n'est-ce pas ? Voilà. Merci beaucoup. Donc, à cette fois. Merci beaucoup.